Bonjour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien sur Radio Campus dans Dégenré, l'émission pour déranger, et nous sommes actuellement confinés et nous allons faire une émission thématique autour du confinement. Celui-ci t'a joué. Il était toujours avec un écran quand même. Humour afro. Alors, on avait envie de partager un article qui est paru sur le site des Inrecuptibles le 20 mars 2020 et qui est signé Fanny Marly. Il s'agit d'une interview de Françoise Vergès, politologue et militante. Et cet article est intitulé « Les confinés ne sont que la partie visible de la situation ». Emmanuel Macron a exhorté jeudi 19 mars les entreprises et les salariés à poursuivre leur activité dans le respect des règles de sécurité sanitaire. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Le gouvernement veut préserver l'économie, c'est sans surprise. Ce que ça m'inspire ? Paroles et paroles et paroles, encore des paroles semées au vent. Mais quels moyens ont les entreprises de respecter les règles de sécurité sanitaire ? Et combien de patrons se soucient de la santé de leurs employés ? Pas de masques, pas de gants, des services d'urgence débordés. C'est normal que les salariés se méfient et exigent un droit de retrait. Comment faire confiance ? Les rumeurs courent, les explications du gouvernement sont contradictoires, on lit tout et son contraire, il y a du mépris. Mais enfin, tout est expliqué. C'est un monde de bourgeois qui n'a aucune idée de la vie de millions de personnes, de leurs problèmes quotidiens aggravés par le confinement. Le confinement, c'est pour les riches, a réagi un salarié d'une usine de l'agroalimentaire. Pensez-vous que la santé de certains et certaines salariés sont sacrifiés à l'heure actuelle ? Absolument. Le confinement est possible parce que des centaines de milliers de personnes restent exposées. Celles qui continuent à travailler pour assurer que les commerces essentiels restent fournis. Ceux qui apportent les denrées, qui les mettent sur les étagères, qui nettoient le magasin, qui sont à la caisse. Les vigiles debout toute la journée qui filtrent les entrées. Les éboueurs, les personnes qui travaillent à la poste, les femmes qui nettoient les hôtels qui restent ouverts et les personnes qui assurent le room service. Les personnes qui livrent, qui assurent que le flot Internet reste constant. Tout ce qui fait qu'une société continue à tourner, même confinée. Les confinés ne sont que la partie visible de la situation, à qui les médias demandent sans cesse comment elle et ils se débrouillent. C'est la partie visible d'un système qui, finalement, repose toujours sur l'invisibilité et l'exploitation d'une majorité. La vie de quelques-uns est possible parce que d'autres, invisibles, sont exploités et plus vulnérables. C'est juste plus visible à cause du confinement. Muriel Pénicaud s'est dite scandalisée que la Fédération des artisans du bâtiment ait recommandé à ses adhérents d'arrêter les chantiers. Pensez-vous que cette crise du coronavirus peut contribuer à renforcer un sentiment de défiance vis-à-vis du corps politique ? Dès le départ, le gouvernement a agi de sorte que nous ne puissions pas lui faire confiance. Déjà, nous avons eu toute une série d'injonctions contradictoires. Ne sortez pas, mais allez voter. Ne sortez pas, mais promenez votre chien. Et après, une longue hésitation sur la dangerosité du virus, comme si la France allait être protégée d'un virus dont on a su très vite qu'il avait une très grande capacité de transmission. L'Occident, dans son ensemble, s'est cru protégé. Ensuite, nous avons eu le discours de l'Union nationale, de la guerre, des héros. Mais comment y croire quand nous savons que 100 000 lits ont été supprimés dans les hôpitaux en 20 ans ? Quand nous avons vu depuis des années infirmières et infirmiers, médecins, alerter, protester, faire grève contre la destruction du système de santé ? Quand la recherche sur les virus n'a pas été financée, alors que depuis des années les chercheurs ont signalé que les pandémies étaient à prévoir ? Le discours du « en même temps », c'est n'importe quoi. Il y a des sujets sur lesquels il ne peut pas y avoir de « en même temps ». On ne peut pas faire la guerre à un virus et en même temps réduire les budgets de recherche ou favoriser les grandes compagnies pharmaceutiques. Ça n'a pas de sens. Une ex-ministre a parlé de mascarade. Elle doit en savoir quelque chose. Et de fait, on assiste à une mascarade, mais une mascarade qui met en danger des personnes. Comment s'assurer qu'une fois le plus grand danger passé, les responsabilités seront identifiées et punies ? Va-t-on assister au renforcement du capitalisme numérique selon vous ? Je pense qu'en ce moment, des think tanks et les grandes multinationales réfléchissent à l'après et vont trouver comment renforcer le capitalisme vert, le capitalisme numérique, l'industrie de la surveillance et du contrôle, l'industrie pharmaceutique. Le gouvernement chinois a renforcé son système de surveillance au nom de la lutte contre l'épidémie. Le gouvernement égyptien a emprisonné des militantes qui protestaient contre les conditions dans les prisons face au Covid-19. En France, que nous prépare le gouvernement ? Il faudra une énorme mobilisation pour que cette pandémie ne débouche pas sur « changer pour que rien ne change ». Vos écrits s'intéressent particulièrement à l'histoire de l'oppression, la colonisation. Pensez-vous que cette crise va accentuer les inégalités et les violences systémiques créées par la colonisation ? La colonisation a créé une longue crise humanitaire, environnementale, culturelle, économique, dont les effets sont encore visibles aujourd'hui. L'environnement a été bouleversé à une échelle globale. Virus et germes ont été apportés par les colonisateurs, détruisant des peuples entiers. Génocide, massacre, travail forcé, extraction systémique de richesses ont été normalisés. Cette inégalité n'a pas été réparée par les indépendances. On a donc une situation asymétrique qui perdure, même si nous avons une plus grande multipolarité aujourd'hui. Cette crise vient après une série de crises, et nous vivons de fait en crise permanente, crise financière, humanitaire, environnementale, de violences structurelles comme les féminicides, le racisme, les discriminations. Dans un état de violence permanent, où de plus en plus de personnes se retrouvent dans une situation de vulnérabilité destinée à une mort prématurée. Les réfugiés, les peuples autochtones, les pauvres, les personnes à la rue, les migrants, les communautés racialisées. Les pandémies révèlent de manière plus claire ces inégalités. Les pauvres et les peuples du Sud sont toujours les plus touchés par des catastrophes dont ils ne sont pas responsables. Peut-on toutefois espérer que des mouvements de solidarité émergent et se renforcent ? Les mouvements de solidarité n'ont cessé de s'opposer à l'idéologie néolibérale de l'individualisme forcené, du chacun pour soi, de l'hyperconsommation, de l'égoïsme comme mode de vie. J'ai confiance en la solidarité, elle se manifeste toujours. Mais je ne peux pas sous-estimer la force de l'idéologie néolibérale, la manière dont elle manipule la notion de liberté, sa capacité à enlever toute dimension radicale à une notion et à en faire une marchandise, ni l'instrumentalisation d'un bouc émissaire par le nationalisme ou du discours « fermons les frontières pour nous protéger ». Nous devons rester mobilisés, observer et analyser toutes les mesures, préserver la solidarité, celle que nous construisons, pas la leur qui surgit tout d'un coup ou après l'avoir criminalisée dans le cas de l'aide aux réfugiés par exemple. Il y a urgence, se protéger pour protéger les autres autour de nous et protéger un personnel médical épuisé, mais sans oublier que ce personnel est épuisé à cause des décisions gouvernementales depuis des décennies. Sans oublier que la protection sanitaire publique a été négligée. Sans oublier les inégalités, le racisme, le sexisme qui demeurent et n'ont pas disparu avec la pandémie. Se préparer à l'après-confinement en apprenant du passé et du présent. <t'en>